Chapitre 5. Le lendemain, avant midi, il s'était acheté une boîte de couleurs, des pinceaux, un chevalet. Pèlerin consentit à lui donner des leçons, et Frédéric l'amena dans son logement pour voir si rien ne manquait parmi ses ustensiles de peinture. Des lauriers étaient rentrés. Un jeune homme occupait le second fauteuil. Leclerc dit en le montrant : « C'est lui, le voilà, Sénécal. » Ce garçon déplut à Frédéric. Son front était rehaussé par la coupe de ses cheveux taillés en brosse. Quelque chose de dur et de froid perçait dans ses yeux gris. Et sa longue redingote noire, tout son costume, sentait le pédagogue et l'ecclésiastique. D'abord, on causa des choses du jour, entre autres du Stabat de Rossini. Sénécal, interrogé, déclara qu'il n'allait jamais au théâtre. Pèlerin ouvrit la boîte de couleurs. « Est-ce pour toi tout cela ?» dit Leclerc. « Mais sans doute. » Tiens, quelle idée ! Il se pencha sur la table où le répétiteur de mathématiques feuilletait un volume de Louis Blanc. Il l'avait apporté lui-même et lisait à voix basse des passages, tandis que Pèlerin et Frédéric examinaient ensemble la palette, le couteau, les vessies. Puis ils virent à s'entretenir du dîner Charnoux. « Le marchand de tableaux ? » demanda Sénécal. « Joli monsieur, vraiment. »« Pourquoi donc ? » dit Pèlerin. Sénécal répliqua. Un homme qui bat mon nez, avec des turbitudes politiques. Et il se mit à parler d'une lithographie célèbre représentant toute la famille royale livrée à des occupations édifiantes. Louis-Philippe tenait un code, la reine un paroissien, les princesses brodaient, le duc de Nemours saignait un sabre, monsieur de Joinville montrait une carte géographique à ses jeunes frères. On apercevait dans le fond un lit à deux compartiments. Cette image, intitulée « Une bonne famille », avait fait les délices des bourgeois, mais l'affliction des patriotes. Pèlerin, d'un ton vexé, comme si elle en était l'auteur, répondit que toutes les opinions se valaient. Sénécal protesta. L'art devait exclusivement viser à la moralisation des masses. Il ne fallait reproduire que des sujets poussant aux actions vertueuses. Les autres étaient nuisibles. « Mais ça dépend de l'exécution !» cria Pèlerin. « Je peux faire des chefs-d'œuvre. » « Tant pis pour vous, alors. On n'a pas le droit. Comment ?»« Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de m'intéresser à des choses que je réprouve. Qu'avons-nous besoin de laborieuses bagatelles dont il est impossible de tirer aucun profit? De ces Vénus, par exemple, avec tous vos paysages? Je ne vois pas là d'enseignement pour le peuple. Montrez-nous ces misères, plutôt. Enthousiastez-vous pour ces sacrifices. Eh, bon Dieu, les sujets ne manquent pas. La ferme, l'atelier... »